je prends le chromigène, envie de chroniquer. Pas jouer les prodiges angoissés, je viens pour doiter même le croque-mitaine. Obligé, faut s'y mettre, je domine mes excès de folie. Je traîne souvent à sec comme la version grecque du Monopoly. Je prête, peu m'endette grave, enchaîne à peine, c'est naze. Touché, je flotte, mon pote, tu nages la brasse. Tous les tas, vu, je pique rugby, sois prêt pour le plaquage, groupé. Surprise, jusqu'ici tu pries pour ne pas me voir shooter. Bouffer d'insuline, du style à revendre, je donne du fil à retordre. Je choque, c'est d'art à chaque couplet. Tous ces gars futiles ruminent, v'là le temps fort, subtil. Je t'endors avec du chloroforme sur un passage clouté. Je ride un tractopelle, pas de problème en cas d'attaque. Pas de blague, je veux ma balade dans Manhattan, en Maconnel. Le taf promet, intraçable dans ma matrice active. H24 à la Jaguar Air à Caracas, relax, j'opère. Son père prendra ma place sans même un brin de colère. Rire aux lèvres quand je blaste à la calage dans l'abdomen. Transperce ta carapace avec des balles slovènes. L'alcool estomac, t'as le faussaire qui boit la tasse, ok. Des bagues en or, le fait que tu boursicotes, fantasme. Je reste droit et dur, les autres virevoltent en face. M'isole, prends place au sein de ce marécage. J'ai juste un aller simple pour ce qui arrive, mais vas-y, fuck, je m'en tape. Depuis qu'on élabore ces phases au rayon du flow et de la forme, je pose et j'assomme. J'ai pas le chrome à l'envers ni le crayon du côté de la gomme. Petite question, tu connais l'approche, claque la dent. Taf depuis que j'évite les pions du collège, je m'accroche à ce passe-temps. Les corps viennent voler dans le décor, les côtes se déplacent. Top chrono, encore explosé, je bats des scores et hausse les stats. Fils, ton côté chaud et factice, t'es choqué nos schémas de ken. T'as trop d'ego, mais pas de style, un pauvre vélo, mais pas de sel. C'est vite, j'ai petite conne, tout est critique, ricoche, équilibre et feelings mix. Propre dans ce coup de récidiviste, corse, oui, on a clippé, cagoulé, à coup de ces quatre de fusil, ramé jusqu'à se faire adouber, approuvé par le public. Tu veux des drones, et mais que David remplace Goliath, fais pas style, tu connais que la Bible et la vie de Chantal. Goya, sans blague, gros, y'a full d'aspects qui nous séparent l'un de l'autre. J'suis malade mental, juste la tête qui tourne de vague symptômes. Y'a pas de vaccin pauvre, gagné de fumée sans feuille. Observe la recrudescence de ta part dans le rap. J'm'impose, car j'n'ai pas ce hype syndrome. J'ai laisse enculé entre préserve ma tenue descente. Je que ma fin sente le parfum de rose. La suprématie se confirme, qu'est-ce qu'il y a quoi j'pèse. Qu'on quitte des villageois, speak, qu'on skiffe. Mais disons que j'fais ce qu'il a loi, mec, t'avec des petites combines. Mais si ta bois, j'mets les petits doigts dans ton pif, comprime tes voies respiratoires. Les bons gamins, j'des gommes comme mes garnements. Downtown, des gommes comme des morts pour des départements. Pom pom, puis le marchand de sap, zinc, qu'on marche ensemble. Pas d'argent sale, mais gens du 5 majeur savent. Nous, on pond des bonnes sauces, mais on braque les ondes pendant que mes potes bossent. Des sons assaisonnés avec soin, j'ai ma cote de maille. Golgot, tes copes dans taille. Quand j'taille, tes entrailles sortent comme dans Drive. Premier soir je te fuck, si t'es folle me le dis pas s'il te plaît. Je veux pas qu'on me canne comme le hall de l'Ibaste. Eh, chaque fois qu'on invente des textes, il s'agit de nos rêves. On change les singes en bébé comme Yajiro. Eh, tes gorilles m'impressionnent pas, je suis un vrai soldat, je résonne. Dans le réseau des sauts, je suis un trésor rare. Tu bats tes sauts, écarte tes sommes, écarte tes horreurs. Marqué par des ordres des hommes, j'ai peur des sauveurs. Le nom de mon gang, brodé sur mes cortex. En tête du cortège, le cortex dans le vortex. Dimanche si on part à LA. Bordel, j'suis dans une dimension parallèle. Tel un vrai missile. Tu sais ce qui nous pousse, le rap est plein de valeurs. On t'a dit basta enfoiré. T'auras pas de coup de pouce, mais 5 majeurs. Et notre équipe est magique. T'es magique. Tu sais ce qui nous pousse, le rap est plein de valeurs. T'es pas suffisant pour me ralentir, check mon serveur. T'auras pas de coup de pouce, mais 5 majeurs. Deuxième opus, on arrive sur le beat d'un pec. Check, une âme roule un pet. S'il te plaît, faut les calmer, j'crois que les faux s'inquiètent. Ça y est, on est poncé. L'heure de faire les choses à fond, pas celle d'aller poncer. Je fonce tête, fais ses conséquences d'entrée. J'écrase sur les groupes inconscients d'être lent et cliché dans la pensée. Ferme ta gueule, t'es pas James Bond. Fais ce qu'on dit, écoute le squelette en mode gros joint dos et chaises longues. J'prie dans mes projets, j'craque sans mes feuilles. J'vise pas les trophées, j'mets les claques dans les gueules. Ils ont des manches à pelle coincées dans les seufs. J'les choque comme les mœurs, des gamines de 15 balles dans les teufs. J'suis craque comme les box stables, comme mes potes ont taffé déjà. Alors tu collectionnes les pogs, on fait sauter les portes. C'est une prise d'otage sur prod. J'ai des capacités, mais la drogue me les décupe tu. Là j'dépasse vraiment pété, me bat tressé. J'fais la pluie et le beau temps comme Alain Gilles pétré. J'me défonce et j'abat le taf. Promis pas de blague, premier squelly dans les bacs. On t'a vu chercher le produit comme un crackman. J'ai le style à Batman, la force de Hulk. Ça tu le reconnais vu que j'abolis tes faces. Téléphone et j'bute, les putes sans les nommer l'ami. Pour que les corps des wax se plient, j'pratique la lutte comme l'origami. S'il me reste quelques petites heures à vivre, niquez vos singles décoratifs. Les hits, les hipsters et leurs sunglasses. Les risques de perte sont quasi nuls pour notre effectif. Sache que les quilles de bière et l'esthétique ne font pas l'attitude. Les flics me stressent, c'est frénétique. Les filles de rêve me serrent les tripes, c'est triste. Je sais, ce maudit constat contraste mes habitudes. On est en 2012, on se descend pour le Zeyo. Où le pétrole enseveli sous la glace. Sache que j'enregistre tout ça calmement. Tout le temps mon crew tabasse, on fout le vacarme. Pousse-toi trou de balle, tu brasses du vent. Tu passes du temps à parler de choses dont on a strictement rien à branler. Je sais qu'il y a que tes mensonges que t'as inventé. Appelle le 5 mage, les sales mecs s'installent. Méga reste instable, mais ramène le Saint Graal dans le bassin nantais. Viens pas te plaindre, j'ai rien changé. Notre mode opératoire, mets la claque aux gamins sans gêne et dégingandé. tel un vrai missile. Peut-être tu sais ce qui nous pousse, le rap est plein de valeur. On t'a dit basta enfoiré. T'auras pas de coup de pouce, mais 5 majeurs. Et notre équipe est magique, tu sais ce qui nous pousse, le rap est plein de valeur. C'est pas suffisant pour me ralentir, check mon sac. T'auras pas de coup de pouce, mais 5 majeurs.